PD, pédale, faux cul, garage à bite, mâche merde, presbyte, lèche-cul, balance, shit, alcool, sexe au volant, c'est hallucinant. Ecstasy, cocaïne, richou, jaloux, pétasse, salope, je vous le dis en face et je terrasse ta race. Je veux pas m'exclure d'une société où je vais éjaculer derrière vos brancardiers. Branlez-vous et prenez rendez-vous, je veux pas m'exécuter. Alors je tue la qualité, ne venez pas vendre votre cul de bon marché ici, pas d'entourloupe. Je ne suis pas celui que vous pensez, je peux vous l'affirmer, venez pas me chercher ou je vous niquerai avec maturité et dextérité. Et la probabilité de vous tirer avec votre fierté et de prendre un code Miché. Je suis pas dans vos cerveaux, mais au travers des travaux pratiques que vous exercez, ces parents vont vous annoncer que c'est pour ces rigolos qui se sentent homophobes. Franchement, ils vendent de la dope dans un cercle privé, alors qu'ils sont vicieux. Adieu, il faudrait leur couper leurs couilles et les donner aux lesbiennes qui se sont les mettre entre leurs cuisses. Je fais pas dans le don d'organes, mais j'ai des fantasmes d'avoir une femme. Le respect se perd, la paix m'a incardé, alors je l'ai canardé. Disons les choses en face et je terrasse en laissant une trace qui résonne. Je tiens à inciser là où je peux inquiéter, car c'est sans arrêt que vous me le demandez. Je tiens à vous inquiéter et vous diriger sur ce que je suis constitué. Ma priorité, me conserver et pas me sentir persécuté. Pour avancer, j'ai déclaré la guerre à qui voulait pénétrer dans mon jardin secret. Et je dois vous écarter, ce silence m'inquiétait. Alors je vous dis la vérité, il n'y a pas de quoi en chier. Je peux vous la réciter par cœur, avec mon humour je suis compresseur et preneur des châtains en chaleur. Si tu veux passer une demi-heure, quand j'ai le chargeur plein, je vise le fantasme des plus belles femmes et je m'en approprie. Tu crains PD, la majorité des Français te diront que t'es un raté. Oh, fais pas chier. Le respect se perd, la paix m'a accordé, alors je l'ai canardé. Disons les choses en face et je terrasse en laissant une trace qui résonne. Je tiens à inciser là où je peux inquiéter, car c'est sans arrêt que vous me le demandez. Oh yeah. Oh, y'a pas écrit sur mon front SRMPD, je t'ai percuté, prends ça dans ta raie. Yeah, yeah.